tableau de la nature de François-René de Chateaubriand. 3. Le soir au bord de la mer. Les bois épais, les cirtes mornes, nus, mêlent leurs bords dans les ombres chenues. En scintillant dans le zénith d'azur, on voit percer l'étoile solitaire. À l'occident, séparé de la terre, l'écueil blanchit sous un horizon pur, tandis qu'au nord, sur les mers cristallines, flotte la nue en vapeur purpurine. D'un carmin vif, les monts sont dessinés, du vent du soir se meurt la voix plaintive, et, mollement l'un à l'autre enchaînés, les flots calmés expirent sur la rive. Tout est grandeur, pompe, mystère, amour, et la nature, au dernier feu du jour, avec ses monts, ses forêts magnifiques, son plan sublime et son ordre éternel, s'élève ainsi qu'un temple solennel, resplendissant de ses beautés antiques. Le sanctuaire où le Dieu s'introduit semble voilé par une sainte nuit. Mais dans les airs la coupole hardie, des arts divins, gracieuse harmonie, offre un contour peint des fraîches couleurs, de l'arc-en-ciel, de l'aurore et des fleurs.